Il n'a pas parlé la semaine passée parce qu'il était en tournage et ça n'a pas donné. Mais là, on va faire un petit peu un bilan de ces deux Coupes du Monde en Asie. C'est Marianne Saint-Gelais. Marianne Saint-Gelais qui est avec l'équipe canadienne, qui a quand même connu un voyage intéressant. Salut Marianne! Salut! Marianne, est-ce qu'on peut qualifier ça de voyage quand même intéressant, ces deux voyages en Asie? OK. Dis-moi, est-ce que le fait que je parlais de ça avec on analysait ça avec François-Olivier Roberge, le fait qu'il n'y a pas de Coupe du Monde en décembre, parce qu'habituellement, il y en avait toujours en décembre, est-ce que c'est un désavantage? En vue des Olympiques? En fait, c'est que la saison est plus longue. Ouais. Il y a toujours 4 Coupes du Monde avant d'entrer en vie. OK. Certains le voient comme un désavantage, d'autres le voient comme un avantage. Moi, je n'ai pas vraiment d'opinion par rapport à ça. OK. Mais ça fait quand même une préparation différente, j'imagine. Hein? Ça fait une préparation différente. Je pense que c'est pour ça que c'est d'autant plus important d'aller chercher un très bon feeling de stratégie sur nos distances en Coupe du Monde. Comme ça, la prochaine grosse compétition sera les Olympiques. OK. T'as quand même, je regarde ça, t'as quand même une athlète qui est vraiment à feu, Kim Boutin, là, qui arrive à son prime, vraiment, là, ça va faire une belle compétition amicale, j'imagine, là. C'est un... Non, mais je veux dire, une compétition amicale, je veux dire. Ben non, je ne vois même pas comme une compétition amicale. OK. Moi, je suis là pour l'épauler, je suis là pour lui donner les conseils nécessaires parce que je vois comme tout le monde qu'elle a un excellent potentiel et que c'est une très bonne partie pour le Canada, pour le futur. Mais je suis bien en compétition contre elle. Je veux dire, on travaille au contraire avec Kim, c'est vraiment fun. C'est les deux un super de bon bagage. On a la même force, on peut travailler ensemble dans les courses. Ça peut justement nous faire passer des rondes, pouvoir faire des idées comme on a fait en Coupe du Monde. Fait que moi, je le vois comme un avantage qu'un inconvénient. OK, OK. Marianne, si on parlait un peu de ce qui s'est passé maintenant à Shanghai et le fait que Séoul, est-ce que c'est dans ce pays-là qu'aura lieu les Jeux Olympiques, à Séoul entre autres, est-ce que c'est un peuple qui aime beaucoup le patinage de vitesse sur contre-piste? Oh, OK. Les billets sont sold out depuis le jour 1 qui ont été en vente. Vraiment, il y a vraiment une grosse popularité pour le court-piste en Corée. Donc oui, là-bas, c'est vraiment... les estrades risquent d'être pleines. Mais en même temps, c'est un peuple qui est assez respectueux. Donc c'est vraiment... Ça fait que c'est vraiment plaisant d'aller là. Puis c'est pas des fans qui sont désagréables non plus. Fait que l'ambiance est juste positive, puis c'est juste vraiment le fun d'aller patiner dans ce pays-là. OK. C'est quoi la préparation maintenant avant les Olympiques dans ton cas? Ben dans mon cas, là, on va, en fait, dans le cas de toute l'équipe, en fait, on recommence une espèce de build-up d'entraînement, un peu qu'est-ce qu'on a commencé cet été, puisque le temps est vraiment long. On peut se permettre d'aller épuiser un petit peu. Fait qu'on va aller chercher... peut-être un petit gain ou en tout cas qu'est-ce qu'on peut aller chercher dans ces prochaines semaines-là. Puis on devrait avoir une compétition amicale, par exemple, à Maurice à la mi-janvier, là, pour vraiment faire une coupure entre l'entraînement et la compétition, ce qui devrait faire du bien. Mais sinon, d'ici à février, on reste à temps plein à Montréal pour l'entraînement. OK. Ben Marianne, on va te souhaiter la meilleure des choses. On va avoir l'occasion de se reparler avant les Olympiques avant ta préparation pour Shanghai. Super. Voilà, donc Marianne Saint-Gelais qui nous parlait de sa Coupe du Monde de patinage de vitesse à Shanghai. Merci Marianne.